France Musique. The next stop is 42nd Street. Come here, venez. Laurent Vallière, 42e rue. Et aujourd'hui, c'est une pluie de stars qui vous attend sur la 42e rue. Tout à l'heure, nous serons avec Lin-Manuel Miranda pour parler de la polémique autour de Hamilton, la comédie musicale. La polémique entre les acteurs et le futur président américain Donald Trump. Et tout de suite, nous passons une heure à New York, chez l'un des meilleurs spécialistes de la comédie musicale américaine et ce qu'on appelle « The Great American Songbook », le grand répertoire des chansons de George Gershwin, de Cole Porter ou d'Irving Berlin. Il est chanteur, il est pianiste, il est chef d'orchestre, il possède un fameux club à New York où les stars se succèdent, sous le studio 54. Il a côtoyé les plus grands compositeurs, de Jerry Herman à Hugh Martin, et il a durant 8 ans été l'assistant de Ira Gershwin, frère de George et parolier de toutes ses chansons, ou presque. Bonjour Michael Feinstein. Bonjour. It's very clear our love is here to stay. Not for a year, but ever and a day. The radio and the telephone and the movies that we know may just be passing fancies, and in time may go. But oh my dear, our love is here to stay. Together we're going a long, long way. In time the Rockies may crumble, Gibraltar may tumble, they're only made of clay, but our love is here, our love is here, our love is here to stay. Merci Michael Feinstein de nous recevoir dans votre maison, à New York, à votre piano. Merci de nous avoir interprété pour ouvrir cette 42e rue, Love is here to stay, Love is for here to stay de George Gershwin. C'est vrai que vous avez côtoyé durant des années Ira Gershwin, le frère de George Gershwin et son principal parolier. En quoi consistait votre travail? For 6 years, I worked for Ira Gershwin. Pendant 6 ans, j'ai travaillé pour Ira Gershwin, le frère de George Gershwin. Donc, c'était le parolier de ces chansons de Gershwin si connues dans les années 20 et 30. Il était assez âgé, il avait 80 ans. Et moi, je l'ai rencontré, j'avais 20 ans. J'ai été embauché pour mettre de l'ordre dans sa collection de disques, ses enregistrements phonographiques. Puis, petit à petit, on m'a demandé de faire d'autres choses parce que Ira était ravi de m'avoir à ses côtés. Il était assez déprimé lorsque je l'ai rencontré. En effet, il avait l'impression que tout le monde l'avait oublié. Moi, j'avais 20 ans, je connaissais sa musique et je connaissais ses paroles. Et il a ressuscité en quelque sorte. Et son épouse m'a dit, vous avez redonné de l'énergie à mon mari. Vous me l'avez ressuscité. Je veux que vous restiez auprès de lui le plus longtemps possible. Je vais ouvrir tous les placards, je vais ouvrir tous les dossiers, vous allez trouver de quoi vous occuper. Et comme ça, Ira sera content. Ainsi, je passais des journées à tout explorer dans la maison. J'ai trouvé des chansons inédites de Gershwin, des manuscrits, des partitions. J'ai même trouvé la pipe que fumait George Gershwin. J'ai trouvé son petit répertoire téléphonique avec le numéro de téléphone de ses petites amies. Et j'ai trouvé de nombreux objets personnels qui étaient encore dans la maison. Et c'est à cette époque que j'ai appris ce que je sais sur ces chansons et comment les chanter, parce que Ira parlait de ces chansons et il m'expliquait comment chanter les paroles. Someone to watch over me. There's a somebody I'm longing to see. I hope that she turns out to be someone who'll watch over me. Well, in the middle part, the bridge. Vers le milieu, vers le au moment du pont. Although I may not be the man. Ira m'a fait entendre un enregistrement de Barbara Streisand. Barbara Streisand chante le morceau et il m'a dit, dis-moi ce qui ne va pas. Écoute, dis-moi ce qui ne va pas. J'ai écouté. Although he may not be the man some girls think of as handsome. And what she did wrong donc, is, là où ça n'allait pas, c'est que les paroles, c'est « he may not be the man some girls think of as handsome. » It's man some. Voyez, « the handsome. Man some people » et « handsome, handsome, handsome. » Although he may not be the man some girls think of as handsome. And Ira donc, ça ne va pas. Et Ira m'a dit « mais elle m'a détruit mes paroles, ça ne va pas, elle se trompe. » Donc, il m'a expliqué en quoi le phrasé était si important. There's a saying old says that love is blind. Still we're often told, seek and ye shall find. So I'm going to seek a certain lad I've had in mind. Looking everywhere, haven't found him yet. He's the big affair I cannot forget. Only man I ever think of with regret. I'd like to add his initial to my monogram. Tell me, where is the shepherd for this lost lamb? There's a somebody I'm longing to see. I hope that he turns out to be someone to watch over me. I'm a little lamb who's lost in the wood. I know I could always be someone to watch. Louise Dierman et le John Wilson Orchestra, extrait de l'album Gershwin in Hollywood, et cette chanson correctement interprétée par Louise Dierman, Someone to Watch Over Me de George Gershwin, avec les paroles d'Ira Gershwin. Michael Feinstein, est-ce qu'il y a d'autres chansons comme ça que Ira Gershwin vous a appris à énoncer, chanter correctement? It's Wonderful, par exemple? Well, Swonderful is an abbreviation. It's what we call slang. It's not proper English. Swonderful, c'est une façon argotique de s'exprimer. Normalement, on dit it's wonderful. Swonderful. Mais on dit ça pour la chanson, c'est un seul mot en quelque sorte. Swonderful, it's marvelous. You should care for me. But Adele Astaire, qui a créé cette chanson en 1927, she, on the record, her old record from 1927, she sings, "It's wonderful." It's, she sings it's. Donc elle chante "It's wonderful" au lieu de "It's wonderful." Elle, ça va pas. Ira se fâchait. It's wonderful. Lorsqu'on chantait "It's wonderful." It's marvelous. And then for the movie An American in Paris, et pour le film Un Américain à Paris, he wrote, French lyrics, il a écrit des paroles en français. C'est élégant, c'est what I want, c'est magnifique, c'est what I seek, or c'est magnifique, c'est what I seek. Head to toes, quelque chose. He wrote French rhymes. Des rimes en français. It's wonderful, it's marvelous, she should care for me. It's awful nice, it's paradise, it's what I love to see. She's made my life so glamorous, you can't blame me for feeling amorous. Oh, it's wonderful. Marvelous that she should care for me. It's wonderful, it's wonderful, it's marvelous, marvelous. She should care for me. Awful nice, awful nice, it's paradise, it's paradise, it's what I love to see. She's made my life so glamorous, you can't blame me for feeling amorous. Oh, it's wonderful. She should care for me. Why I fell, magnifique, it's what I seek, élégant, it's what I want, quelque chose, from head to toes, wonderful, marvelous, that she should care for me. Et voilà les paroles, les rimes en français d'Ira Gershwin dans le film Un Américain à Paris, interprété évidemment par Gene Kelly et Georges Guettari. Laurent Vallière, 42e rue, France Musique. À New York, chez Michael Feinstein, grand connaisseur de la comédie musicale qui a longtemps travaillé pour Ira Gershwin, le frère de George Gershwin. Alors dites-nous, Michael Feinstein, quelle chanson de George Gershwin vous avez découvert donc dans ce fameux grenier d'Ira Gershwin? One of my favorite songs that I discovered at the Gershwin House. Une de mes chansons préférées que j'ai découvertes, c'est Ask Me Again, qui a été écrite pour Girl Crazy. Ask me again. who's the one I've begun to adore. Ask me again, who's the partner my heart clamors for? And that's a song that nobody had ever heard. Personne n'avait jamais entendu ce morceau. Je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé au milieu de dizaines et de dizaines de chansons écrites pour des comédies musicales qui n'ont jamais été produites, des bouts par-ci par-là, des mesures par-ci par-là, une idée musicale, une mélodie non terminée. Tous les morceaux étaient différents. Certains étaient terminés, parfois il y avait des musiques d'un côté, les paroles de l'autre, parfois non. Moi, je remettais les choses d'aplomb. Ce morceau-ci, Ask Me Again, a été transcrit par l'ami d'Ira, Kay Swift, la compositrice. À la mort de George Gershwin, Kay Swift a travaillé avec Ira pour transcrire autant de chansons de Gershwin que possible. Et je crois que c'est elle qui a écrit celle-là. Ira a refait des paroles. Ask me again, who's the one I've begun to adore? Ask me again, who's the partner my heart clamors for? Who is the who has me tied in a bow knot, so that I know not just where I'm at? Who is it makes my friends all find that I've one track, heart and mind? Oh, ask me again. Let me tell how I fell from the start. One look and then couldn't govern the love in my heart. Who is it I searched everywhere for, to care for my whole life through? Please ask me again. Let me shout to the world. Quand vous y pensez quand même, Michael Feinstein qui regarde dans les placards de chez Ira Gershwin et qui découvre une chanson inédite de George Gershwin qu'on vient d'entendre, qu'il a enregistrée, qui s'intitule Ask Me Again, Michael Feinstein, qui est notre invité ce matin sur la 42e rue de France Musique. Ben, j'avais du coup envie de vous demander tout simplement, c'est quoi la chose la plus incroyable que vous ayez découvert en travaillant chez Ira Gershwin? Probably The Gershwin Notebook. Vraisemblablement le cahier de Gershwin. Un cahier de musique, 88 pages. 88 pages, le cahier qu'il avait entre les mains, des idées musicales. Il avait un cahier constamment sur lui. Dès qu'il avait une idée, il écrivait. Voilà, petite mélodie. Il inscrivait ça dans son cahier. And that became, I love you, Porgy, don't let him take me, don't let him handle me with his hot hand. But that, the original idea, five years before he wrote Porgy and Bess, est arrivée cinq ans avant Porgy and Bess. And 5 years later, et cinq ans plus tard, il met ça dans Porgy and Bess. Donc le cahier montre sa façon de travailler. Il a une idée, il la note. Plus tard, même beaucoup plus tard parfois, il la réutilise. Michael Feinstein, vous avez choisi de nous faire découvrir ce matin une version rare d'un autre standard de George Gershwin, The Man I Love. Quelle version vous avez choisi et puis pourquoi cette musique, cette chanson est représentative de l'intégration du jazz à l'époque dans les chansons à Broadway? Cette note, c'est la blue note, la note bleue. Cette blue note joue un rôle très important dans le jazz. La blue note, like it wraps in a blue. That note, it's a flat. Cette note-là, c'est une septième diminuée. The note. La blue note est utilisée régulièrement dans le jazz et notamment chez Gershwin. Il utilisait ça. Et on a en fait pensé que c'était de Gershwin. Il l'utilisait très souvent, d'où l'influence du jazz sur la musique de Gershwin. Cette version-ci est très rare. C'était un morceau chanté par Hazel Scott, pianiste et chanteuse. Elle chantait dans un film de 1945. Le film est intitulé Rhapsody in Blue. Il s'agit de la vie de Gershwin. Et elle chante ça dans le film. On la voit à l'arrière-plan dans une club. Dans un club, on la voit, elle chante, elle joue. Mais en fait, voici l'enregistrement d'origine de la session. Donc on l'entend chanter, mais il n'y a pas les conversations d'ambiance dans le club. Et c'est en français. Oui, c'est en français. Parce que dans le film, la scène se passe lorsque Gershwin séjourne en France. Il vient à Paris. Donc elle chante en français. Je te trouverai un jour, oh toi que j'aime. Et je t'aimerai d'amour, ô toi que j'aime. Dès que tu apparaîtras, tu m'appartiendras pour toujours. Ton sourire enchanteur me troublera, et palpitant mon cœur, chavirera. Délicieusement, tu m'appartiendras pour toujours. Pourquoi tardes-tu à paraître en ce jour glorieux? Je t'attends de tout mon être, viens vite apaiser mon cœur amoureux. Oui, je t'attends tout de même, et un beau jour tu arriveras quand même. Oh mon amour, et tu seras celui que j'aimerai d'amour. Toujours. Un enregistrement rare de The Man I Love, issu du film Rhapsody in Blue en 1945, avec Robert Alda dans le rôle de George Gershwin. C'était une biographie de George Gershwin et une chanson qu'on n'entend que très peu dans le film, ici dans sa version intégrale en français, interprétée par Hazel Scott. Ce matin, la 42e rue se déplace à New York chez Michael Feinstein, l'un des meilleurs spécialistes américains de la comédie musicale et de ce qu'on appelle « The Great American Songbook ». Il préside d'ailleurs « The Great American Songbook Foundation ». Il fut aussi l'assistant personnel de Ira Gershwin. Mais aujourd'hui, vous connaissez tout le monde à Broadway, Michael Feinstein, notamment grâce à votre club de Manhattan où se produisent de grands artistes. Et vous nous offrez une autre rareté, alors là, jamais entendue en radio, nulle part, un enregistrement totalement inédit de Liza Minnelli. De quoi il s'agit ? Bonjour Paris. Ça a été composé pour un film de 1957 intitulé Funny Face avec Fred Astaire, Audrey Hepburn et Kay Thompson. Il y a une scène qui est filmée à Paris. Dans cette scène, ils viennent à Paris et ils chantent « Bonjour Paris ». Eh bien, en 1973, Liza Minnelli est venue à Paris pour participer à un défilé de mode. Ça se tenait au château de Versailles. Et elle portait des vêtements du couturier Holstein. Au château de Versailles, lors du défilé, elle a chanté « Bonjour Paris ». Elle a chanté la chanson en se servant de la bande-son d'origine de 1957 avec l'orchestre d'origine. Et elle a plaqué sa voix sur les musiciens. Et donc voici l'enregistrement tel qu'elle l'a chanté en 73 au château de Versailles dans ce fameux défilé de mode. Un livre vient d'être publié, je crois, sur ce fameux défilé. Il y avait là 5 couturiers français en joute contre 5 couturiers américains. Et du reste, c'était la première fois que les couturiers américains damaient le pion aux couturiers français. C'était un scandale. Mais bon, c'est notamment dû à la présence de Liza Minnelli. Elle a fait un tabac avec ses vêtements de Holstein. C'était un tournant dans le monde de la mode. Et Liza m'a donné cet enregistrement inédit, vous l'avez dit. Jean-Paul Sartre. I must philosophize with all those guys around Montmartre and Montparnasse. I'm strictly tourist, but I couldn't care less. When you parlez pour me, then I've gotta confess that's for me. Bonjour, Paris! Jazz up the Latin Quarter to show the richest and the poorest. Here it comes, the great American tourist. This has got to be illegal. What I feel. Très gay, très chic, très magnifique. C'est moi, c'est vous, c'est grand, c'est tutu. It's too good to be true. All the things we can do. You do things to my point of view. We can show you the north, we can show you the south. We can show you the west. Come on and show me the best. That's for me. Bonjour, Paris. Bonjour. That's for me. Bonjour. Living is easy, the living is high. All good Americans should come here to die. Something missing, there's something missing, I know. There's something missing, I know. There's still one place I've gotta go. You said that you were tired. You say that you told me you were tired. You said that you were so exhausted. You said you needed sleep. You told me that you had to rest. You said you ought to rest. I thought you wanted rest. Is this what you call rest? I haven't time to rest. This fussing and fretting is getting my goat. Let's all let our hair down. We're in the same boat. We're strictly tourists. You can teeter and cheer. All we want to say is Lafayette. We are here on a free. Bonjour, Paris. Une version complètement inédite, jamais passée à la radio, de Bonjour Paris. Dans le film Funny Face, la chanson a été interprétée par Fred Astaire, Audrey Hepburn et Kate Thompson. Et donc en 1973, Liza Minnelli l'interprétait, on vient de l'entendre, lors d'un défilé de mode au château de Versailles pour un grand couturier américain devant un public composé entre autres d'Andy Warhol et de Joséphine Baker. Laurent Vallière, 42e rue. France Musique. Merci pour cette pépite, Michael Feinstein. Alors, je continue avec vous parce que vous avez travaillé avec de grands compositeurs. Et là, une nouvelle comédie musicale vient d'ouvrir jeudi au Théâtre du Châtelet à Paris, 42e rue, 42nd Street. Un festival de claquettes inspiré d'un film de 1933. On était la semaine dernière. On avait la chance de recevoir la troupe. D'ailleurs, la vidéo de l'émission complète du concert est à voir sur la page de 42e rue sur francemusique.fr. Et vous avez travaillé avec le compositeur de 42e rue, Harry Warren. Il n'est pas très connu du grand public. Quel homme était-il ? Ah, Harry, je le connaissais très bien. C'était un homme merveilleux. Il est né à Brooklyn en 1893. Il était d'origine italienne. He was the youngest of 12 children. Il avait 11 frères et sœurs. Il était le benjamin. His real name, son vrai nom, his Italian name was Salvatore Guaragna. Salvatore Guaragna. Salvatore Guaragna, and he was very Italian. Il était, on peut pas faire plus italien. Il adorait Puccini. C'était son compositeur préféré. Puccini. C'était son idole. Harry Warren was the most successful. Harry Warren était le compositeur le plus couronné de succès du XXe siècle aux États-Unis. Il a eu plus de tubes que quiconque, plus que Irving Berlin, plus que les Beatles, plus que Gershwin. Numéro un, le compositeur le plus couronné de succès du point de vue du nombre de tubes. Et pourtant, on ne le connaît pas. On ne le connaît pas parce qu'il écrivait des bandes originales de films. Le film était évidemment un film de Doris Day, de Judy Garland ou de Busby Berkeley. Et par conséquent, on ne connaissait pas le nom du compositeur de la bande originale. À Broadway, on connaît Rodgers and Hammerstein, on connaît Lorne and Lowe, on connaît Andrew Lloyd Webber, etc. Mais à Hollywood, on ne connaît pas le nom des musiciens qui composent la bande originale du film. Il a écrit essentiellement pour le cinéma. Il a gagné des Oscars pour Lullaby of Broadway. You'll never know just how much I love you. On the Atchison, Topeka and the Santa Fe. Do you hear that whistle down the line? I figure that it's engine number 49. She's the only one that'll sound that way. On the Atchison, Topeka and the Santa Fe. Big, big hit. Un Judy tube Garland immense, chanté par Judy Garland. What a lovely trip. I'm feeling so fresh and alive, and I'm so glad to arrive. It's all so grand. Don't need a palace to feel like Alice in Wonderland. Back in Ohio, where I come from, I've done a lot of dreaming and I've traveled some, but I never thought I'd see the day when I ever took a ride on the Santa Fe. Take a ride on the Santa Fe. I would lean across my windowsill and hear the whistle echoing across the hill. Then I'd watch the lights till they fade away on the Atchison, Topeka, and the Santa Fe. What a thrill! With the wheels singing westward ho, right from the day I heard them start. Across the Kansas plain, through New Mexico, I guess I got a when I'm old and gray and settled down. If I ever get a chance to sneak away from town, then I'll spend my busman's holiday on the Atchison, Topeka, and the Santa Fe. All aboard! Oh, Une chanson choisie par Michael Feinstein, composée par Harry Warren et Johnny Mercer, interprétée par Judy Garland, c'était dans le film Les Demoiselles de Harvey. Michael Feinstein, vous avez donc travaillé avec le compositeur Harry Warren, qui avait composé en 1933 les chansons du film 42e rue. Mais il faut bien dire que l'adaptation du film à Broadway dans les années 80 lui a laissé un goût amer parce que son nom n'apparaît presque pas sur l'affiche. Son nom apparaissait, mais tout petit, tout petit. Dans la brochure, il n'y avait même pas de photo de lui. C'est David Merrick qui a tiré la couverture à lui. David Merrick était le producteur du spectacle. C'est lui qui a amené la comédie musicale à Broadway. Et il en a fait donc cette grande comédie musicale, parce que c'était un vieux film. Donc lui, il l'a amené à Broadway. He wanted it to be et David Merrick voulait que ça soit la 42e rue de David Merrick. It was a big hit musical. Donc, c'était une comédie musicale qui était un grand succès, mais on ne savait pas qui avait écrit la musique. C'est incroyable. Si vous allez voir Un violon sur le toit, c'est Bock and Harnick, vous le savez. Si vous allez voir Godspell, c'est Stephen Schwartz, c'est évident. Mais il y a des millions de gens qui ont vu 42e rue sans savoir qui était le compositeur. Must I memorize a book to be considered wise when I can look into your eyes? Literature is such a bore, and mathematics too. I'd much prefer to learn about you. You're the only kind of knowledge they don't teach at any college. You're an education in yourself. There are poems and romances in the glamour of your glances. You're an education in yourself. Of all the famous dates in history, I recall but a few, the 4th of July, and my dates with you. You've a kiss that's scientific, though it's tender, it's terrific. You're an education in yourself. The kind of mental training I could take without complaining. You're an education in yourself. Intricate as economics, simple as the Sunday comics. You're an education in yourself. There are geometric figures in your beautiful curves. They're good on the eyes, but bad for the nerves. You are my encyclopedia. Let me take you home and read you. You're an education in yourself. Une autre chanson de Harry Warren, le compositeur de 42e rue, interprétée par Michael Feinstein, You're an Education. Michael Feinstein, dans les années 90, vous avez enregistré une série de CD avec de grands compositeurs qui vous accompagnaient au piano et dont vous chantiez de nombreuses chansons. Il y a eu Jerry Herman, le compositeur de Hello Dolly, il y a eu Julie Stein. Quel est votre meilleur souvenir d'enregistrement ? L'un des meilleurs pianistes, parce que les compositeurs sont parfois de formidables compositeurs, mais pas toujours d'extraordinaires pianistes. Mais Hugh Martin était un pianiste merveilleux. Il jouait du piano, c'était formidable. J'adorais travailler avec Hugh Martin parce qu'il jouait comme un ange. Et il faisait des arrangements pour la voix, des arrangements spéciaux pour que moi je les chante lorsqu'on enregistrait. Il a écrit Have Yourself a Merry Good Christmas, The Boy Next Door, The Trolley Song, et puis la comédie musicale High Spirits, et d'autres comédies musicales, Best Foot Forward, par exemple. C'était formidable de travailler avec Hugh Martin. Il a écrit un morceau qui s'appelle I Never Felt Better. C'était pour un film intitulé Athéna. C'était un mauvais film, une sorte de nanar, mais les chansons étaient géniales. Un nanar avec une BO géniale. Et I Never Felt Better, c'était une chanson qui frustrait Hugh dans la BO. Donc il a proposé qu'on la fasse ensemble, il a retravaillé les paroles, et puis il y a un moment où il a écrit un duo. Donc il chante et je chante, donc on chante ensemble un petit peu. C'est chouette. On chante avec le compositeur et puis en plus il joue du piano. When I try making money, I never have much luck. Never earn a dime, much less a buck. Are my finances in a mess? Yes, but I never felt better, so I couldn't care less. I don't buy polo ponies or fly a private plane. Never order beer, much less champagne. But do I need a lot of dough? No, 'cause I never felt better, so I couldn't feel low, not low. No, no, I'm high, here's why. I never have a worry, never have a care about what I should buy or what to wear. And do I find my future bright, right? 'Cause I never felt better and I'm doing all right. When summer's at its hottest, the rain must keep me cool, 'cause I don't own a creek, much less a pool. What do I do when warm as toast? Boast that I never felt better, so I simply won't roast. When winter's at its coldest, I shiver and I shake. Couldn't take a storm, much less a quake. But does that mean I'm losing hope? Nope, since I never felt better, tell me why I should mope. Why mope? I'll cope, won't cry, not I. The days I go out shopping, I buy each thing I see. I charge them, then I feel I got them free. So where will I receive my mail? Jail, but I never felt better, so I'm cruising full sail. How's your appetite? Tremendous. How's your energy? Stupendous. Are you strong? So strong I have to watch my step. How's your eyes? Bright as a penny. And your sleep? I don't need any, but I'm always on the ball and full of pep. How's your heart? It must be ticking, 'cause I feel alive and kicking. How's your brain? Well, it's insane, but kinda quick. How's your love life? I got plenty. How's your vision? 2020 must confess that I'm depressingly unsick. If I'm to cross the ocean, better learn to float. Can't afford a raft, much less a boat. But will I love to see Perry? Whee! Still I never felt better, so Pomona suits me. Heidelberg would thrill me, can't wait to book the flight. In Lederhosen I'd be quite a sight. But will I ever cross the Rhine? Nein! But I feel so good Chicago will be perfectly fine. No Rhine, no Rome, no place like home. I haven't got a worry, haven't got a care about what I should buy or what to wear. Got no diamond stick pin, so what? You know what? I consider diamonds kind of square. Besides, I never felt better. I never felt better. I never felt better, and I'm walking on air. Michael Feinstein, Hugh Martin, I never felt better. Michael Feinstein, vous êtes, on l'a entendu, pianiste, vous êtes interprète, chef d'orchestre, mais vous êtes aussi compositeur. I wrote a musical recently called The Gold Room. J'ai écrit The Gold Room, une comédie musicale. Nous l'avons fait dans un atelier avec Melissa Carrico récemment. Et j'espère qu'on verra ça bientôt sur scène. Mais j'ai écrit des chansons pour différentes raisons au fil des années, essentiellement pour des occasions particulières. Mais il y a une chanson que j'ai écrite avec des paroles de Marshall Behrer. Marshall Behrer est le parolier de Once Upon a Mattress avec Carol Burnett à Broadway. Marshall Behrer était l'un de mes paroliers préférés et on a écrit For Love Alone et je suis fier de cette chanson et on l'a enregistrée il y a quelques années. Merci beaucoup Michael Feinstein. Oh, it's a great, great pleasure to speak to you. Thank you for having me on your program, and I apologize Désolé. Very sincerely for not parler vous français. Excusez-moi. Pardon. For love alone, I did what otherwise I never could have done. Though if I lost a race or two, I should have won. And aimed a few too many arrows at the sun. It has been fun when I was shown how very steep the price can be when love goes wrong. I held my hasty heart in check, but not for long. Somehow I never could resist that siren song. If some dark day I wake to find the love I thought was here to stay has slipped away, I'll simply say, these are the breaks, one makes mistakes. I bought the lies, but now I'm wise. And from the ashes, like the phoenix, I will rise and sail the skies, for nothing dies that flies for love. Now I'm wise, and from the ashes, like the phoenix, I will rise and sail the skies, for nothing dies that flies for love. For Love Alone, interprété et composé par Michael Feinstein. Merci de nous avoir reçus chez vous à New York et de nous avoir ouvert les portes de vos archives. Merci à Didier Deutsch qui a permis cette formidable rencontre. Et merci à Xavier Combes pour l'interprétation simultanée. Xavier Combes qui reste avec nous encore quelques instants. 42e rue sur France Musique, Laurent Vallière. Car nous passons à l'actualité des comédies musicales et dans cette actualité, il y a ce moment qui a fait beaucoup parler aux États-Unis avant-hier. La présence du futur vice-président américain, très conservateur, Mike Pence, à une représentation du spectacle Hamilton qui fait fureur actuellement à Broadway. Les acteurs d'origine multiethnique de cette comédie musicale qui raconte la fondation des États-Unis d'Amérique ont décidé de s'adresser à lui à la fin de la représentation. Et depuis, Donald Trump a exigé des excuses de la part de la troupe. J'ai rencontré hier à Londres l'auteur du spectacle, prix Pulitzer, et aussi auteur du discours, Lin-Manuel Miranda. Il justifie au micro de France Musique le geste de la troupe par l'inquiétude que suscite l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis quand la comédie musicale rencontre la politique. I think we're pretty bitterly divided right now. Je crois que le pays est amèrement divisé aujourd'hui. That's what we spoke to last night. Je suis inquiet, c'est pour ça qu'on a choisi de faire ce discours hier. Le discours était respectueux. C'est important de savoir qu'à la fin de chacun de nos spectacles, les acteurs s'adressent au public pour lever des fonds pour lutter contre le sida. C'est habituel. C'est tout à fait habituel de lever des fonds pour des campagnes de charité. Quand on a su que le futur vice-président venait, on s'est dit que c'était un honneur pour nous et on s'est dit qu'il fallait en profiter pour lui dire que les acteurs lui souhaitaient la bienvenue, mais voulaient aussi qu'il sache qu'il y a une partie du pays qui craint que le prochain gouvernement américain ne soutienne pas tous les Américains, notamment la diversité ethnique représentée par les acteurs sur scène, sur Hamilton. On l'a remercié en lui disant qu'on espère très fort qu'il travaillera au nom de tous les Américains. Alors dans Hamilton, certaines répliques vont à l'encontre de la campagne professée par Donald Trump durant la campagne présidentielle et particulièrement un moment ovationné vendredi soir lorsqu'un acteur explique que ce sont les immigrés qui font le job dans ce pays. Une réplique que revendique Lin-Manuel Miranda. That line in that show is a reminder. Oui, cette réplique est là pour rappeler que quelques-uns des plus éminents citoyens américains venaient d'ailleurs et ont contribué à faire de ce pays un grand pays. Mais ce n'est qu'un bref moment du spectacle, c'est une réplique. Et j'en suis fier d'ailleurs, je suis fier de ce spectacle. Et je crois que tout le monde doit se sentir bienvenu. Alexander Hamilton. My name is Alexander Hamilton. And there's a million things I haven't done. But just you wait. Just you wait. When he was 10, his father split, full of it, debt-ridden. 2 years later, see Alex and his mother bedridden, half dead, sitting in their own sick, the scent thick. And Alex got better, but his mother went quick. Moved in with a cousin, the cousin committed suicide. Left him with nothing but ruined pride. Something new inside, a voice saying, Alex, you gotta fend for yourself. He started retreating and reading every treatise on the shelf. There would have been nothing left to do for someone less astute. He would have been dead and destitute without a cent or restitution. Started working, clerking for his late mother's landlord. Trading sugar, cane and rum and all the things he can't afford. Scared of all. Just you wait. What's your name, man? Alexander Hamilton. Hamilton et Lin-Manuel Miranda, qu'on retrouvera dans 15 jours encore sur la 42e rue plus longuement. Vous pouvez réécouter, podcaster cette émission sur la page du Tout Nouveau Tout Beau, site de France Musique sur francemusique.fr. Vous pouvez aussi commenter, nous suivre sur Facebook et sur Twitter. Vous étiez sur la 42e rue de France Musique, proposée par Laurent Vallière, préparée avec Martine Moni, avec Xavier Combes, Cécile Gissot, Sophie Salio-Marie, Emmanuel Dupuis, réalisée par Perrine Mingui. Dimanche prochain, on recevra en direct Laurent Lafitte de la Comédie Française, qui viendra à son tour avec sa pile de disques de ses comédies musicales préférées. Très bon dimanche à tous. Rideau.